And a way to accept the things we fought so hard to reject. And we'll all have a good laugh when they tell us that time is of the essence. I've reassessed some choices, made amends with all the voices. There's still some trails that haunt me. M pour Montréal et Sirius Radio présente M sur les quais 2010. Plus de 25 bands, deux scènes en alternance sur deux jours, les 4 et 5 septembre prochains de midi à 23h. Et c'est gratuit. Voivode, Priestess, Orange Orange, Tricot Machine, Winter Gloves, Marco Cagliari, Damon Year et plusieurs autres. Programmation complète sur le www.mpourmontréal.com. Bonsoir. Alors, en manchette ce soir, c'est officiel. Il y a une distorsion spatio-temporelle au sud de la rue Roy sur Saint-Denis où est-ce que les gens arrêtent de savoir conduire. Vous êtes à 70%. Trop, trop, trop, y a trop de questions sur ma liste. De questions techniques et existentielles. Si Jésus était jeté à l'eau tête la première, flotterait-il quand même? Rebondirait-il ou se cognerait-il? Et que vaut cette théorie qui dit qu'à chaque fois qu'on écrase une mouche, l'une de ses pattes repousse parmi nos sourcils. La vie ce n'est pas simple, mais heureusement on peut, paraît-il, expliquer le monde par une équation mathématique. 100 moins 30 donne 70, plus 100 donne 170, plus 70 donne 240, moins 30 donne 210, plus 70 donne 280, divisé par 4 donne 70. Et va donc répéter ça à ta sœur de ma part, elle en sera folle d'amour, j'en suis sûr. Parce que moi, j'aime ça, les tunes médiévales, puis je n'entends plus souvent ces temps-ci. Fait que là, j'ai amené les Chieftains, c'est Finn Cuts. Ça vient de Rob Roy, là, c'est O'Sullivan's March. Et O'Sullivan, ben, c'est même pas un casse-croûte. C'est autre chose. Ouais, c'est pas un pub. Non, autre chose, ben, c'est un groupe québécois. Attention, tu mélanges les affaires. Là. Et voilà, avec Lucien Francoeur, ça. Oui, tout à fait. Dans le temps qu'il y avait une carrière. Dans le temps qu'on pensait qu'il chantait. Là. À cette heure, ça l'a fleuri. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il enseigne au Collège Rosemont encore. Ben ah, oui. Ouais, pas vrai. Ça va vite. Comme ça, la blonde Claudine Bertrand, d'ailleurs, je pense. Qui enseignait à la mienne. Bon, ben en tout cas, vous avez reconnu DJ Georges Étienne Forêt, qui est de retour de vacances. Eh oui, enfin. T'es allé te ressourcer? Tout à fait, je suis allé me ressourcer à la pluie un peu. Comment t'as dit ça? T'as dit il fait chaud, puis soleil, puis... Ah, ça c'était quand j'étais en Gaspésie. Ouais. Là, pendant que j'étais à Eastman, les deux dernières semaines, il faisait pas vraiment chaud, puis j'ai pas vu énormément de soleil. J'ai vu beaucoup de pluie, puis de nuages, mais tu sais, j'étais dans un chalet, fait que c'était tranquille. Tu joues aux cartes? Non, j'ai pas joué aux cartes, on a joué à d'autres jeux. Là, fait que c'est-tu là que t'as trouvé ton inspiration pour le spécial de ce soir? Non, en fait, non. Mon inspiration est venue de Stéphane, qui est ici à côté de moi. On discutait l'autre fois comme ça sur Facebook, et puis on s'est mis à parler, je sais même plus comment ça a commencé, de chansons d'homosexuels. Puis on s'est dit que ça ferait un excellent thème pour aujourd'hui, parce que hier, c'était la parade de la fierté gay. Ah, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est mon thème, fierté gay. C'était hier? Ouais, il y avait du monde habillé serré à côté de chez nous, mon gars. Ah, j'étais hangover, fait que j'ai pas remarqué. Bon, ben donc, on y va pour un spécial gay à la DJ Georges, oui. Inspiré des plages de l'Est du Canada. C'est ça, exactement. Il était une fois dans l'Est. Toi, Stéphane, t'es de retour pour nous parler de Rotten Tomatoes, si j'ai compris. Oui, oui, et ça, c'est un des sujets. C'est un site qui parle donc de films, et je vais vous décrire ça. Et j'ai aussi repris une tradition qui existait ici apparemment à 70%, c'est-à-dire de parler de gadgets stupides. Ouais, on aime bien tout, nous autres. Tu crois que c'est stupide. Bruno, c'est bouqué, mais t'as traîné ta muse. Là. Ouais, encore. Elisabeth, bonjour. Bonjour. Toi, t'as amené des lettres du secondaire. Oui, j'ai voulu prolonger, les chroniques d'Israël. Oui, que, mais la version fille qui reçoit des lettres de filles, puis de gars aussi. Ça va être intéressant. Il y a plein de rires pouffants qui sont retenus, je pense. Ah, ça va être cute, ça. Je vous donne un petit cue. Il y a des lettres de gars pliées fancy aussi, ça existe. Ah oui? Ah ben oui. Il était même pas en amour avec moi. Ça va rejoindre mon spécial gay, probablement. Sûrement qu'il l'était, c'était juste une oreille attentive, anyway. Criss cross. Puis toi, ben Israël, c'est le lancement du clip des Sprats. Oui, tout à fait. Ben, j'ai aussi invité mon ami Loulou, qui est pas là. Il est en train d'aller spotter les filles, d'aller s'acheter la liqueur. Ouais. Mais lui, il vient de Roy, il a gagné 1000$ au Frima, fait qu'on va lui demander comment il l'a dépensé, puis il va nous jouer des tunes. On se rappelle, il était déjà venu, il était dans les contracteurs généreux. Ouais, puis il sent un peu le swing. Surtout quand il revient de le danser. Ça commence 70% solide. Ben oui. Moi, en fait, je vais parler de Death Race 2000 qui a gagné contre Death Race 2008. C'est la version avec Sylvester Stallone dans le rôle de pas Jason Statham. Ça va être pas mal drôle, ça, en fait. Là. J'aime bien la version française. Je l'ai écouté pour la première fois aujourd'hui. Puis sinon, ben, on va commencer l'émission avec une gentille chanson. Ça a couru beaucoup. Ça s'appelle Tickle My Vagina. Ça vient de Magella. Puis il a dit que c'était une réponse à John Lajoie, Pedophile Bird. Du coup, on écoute ça, puis on revient à 70%. Alors, mon message, c'est bien, Deadman. Alors, mon message, c'est bien, Deadman. They tickle my vagina. They tickle me with their beard. Alors, mon message, c'est bien, Deadman. Alors, mon message, c'est bien, Deadman. They tickle my vagina. They tickle me with their beard. I am the queen of vagina. I am the queen of promiscuous. I am the queen of genitive. Come tickle my vagina. Come have sex with my vagina. Come have sex with my vagina. Come have sex with my vagina. Come tickle my vagina. Have a juicy vagina, juicy vagina. Wet, wet, wet, juicy vagina, juicy vagina, juicy vagina. Wet, wet, wet, juicy vagina, juicy vagina, juicy vagina. Wet, wet, wet, juicy vagina. I am the queen of vagina. I am the queen of promiscuous. I am the queen of penitence. Come tickle, tickle my vagina. Come have sex with my vagina. Come have sex with my vagina. Come have sex with my vagina. Come tickle, tickle my vagina. I got juicy vagina, juicy vagina. Wet, wet, wet, juicy vagina, juicy vagina, juicy vagina. Wet, wet, wet, juicy vagina, juicy vagina, juicy vagina. Wet, wet, wet, juicy vagina. I am the queen of vagina. I am the queen of promiscuous. I am the queen of genitive. Come tickle, tickle my vagina. Come have sex with my vagina. Come have sex with my vagina. Come have sex with my vagina. Come tickle, tickle my vagina. I got juicy vagina, juicy vagina. Wet, wet, wet, juicy vagina, juicy vagina, juicy vagina. Wet, wet, wet, juicy vagina, juicy vagina, juicy vagina. Wet, wet, wet, juicy vagina, juicy vagina, juicy vagina. Wet, wet, wet, juicy vagina. Woo! I am the queen of vagina. I am the queen of promiscuous. I am the queen of delite. Come tickle, tickle my vagina. Come have sex with my vagina. Come have sex with my vagina. I got juicy vagina, juicy vagina. Wet, wet, wet, juicy vagina, juicy vagina, juicy vagina. Wet, wet, wet, juicy vagina, juicy vagina, juicy vagina. Wet, wet, wet, juicy vagina, juicy vagina, juicy vagina. Wet, wet, wet, juicy vagina, juicy vagina, juicy vagina. Wet, wet, wet, juicy vagina. Salut, c'est Louis-Philippe des Contracteurs, vous écoutez 70%, puis j'aime ça, moi, cette radio-là. Je t'aime pas si t'écoutes pas cette radio-là. Pardon, monsieur Chastenay, bien oui, sûr. Oui. Est-ce que tu joues à Magic? J'ai aucune idée de ce que c'est. Colin! C'était le meilleur bête, là, je veux dire. Ouais. Okay. On s'en reparle. Okay. Ben, je voulais juste dire que 70%, c'est poche. Moi, je suis Classic J du band N.E.W. Puis, on est un mélange de hip-hop français, hip-hop anglais, rock, folk-rock, rapcore. On fait une saveur qui mélange tout ensemble, puis ça donne N.E.W. On se fout de 70%. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Lundi dernier, Douglas Wilgo, 19 ans, a été arrêté par la police de Danvers, Massachusetts pour avoir troublé la paix pour conduite désordonnée, entrée par infraction, destruction de biens privés d'une valeur de plus de 250$. La police enquêtait sur la présence d'un véhicule suspect près du lieu du crime et ont réussi à entrer dans l'appartement du deuxième étage où ils ont trouvé l'ordinateur allumé et encore logué sur Facebook au nom de Wilgo. L'officier Baldazar... Hein, quand même. Il est alors sorti afin de trouver le Wilgo et l'a aperçu en train de promener le chien du locataire de l'appartement. Il a été arrêté et le chien a été ramené à l'appartement. C'était quoi ses motivations? J'ai aucune idée. Il avait le goût de promener un chien, lui. Il voulait se faire accroître qu'il y avait un appartement. Oui, c'est ça. C'est le fun, ça. Puis même, ça l'a fait chier. Puis il aimait ça que ça le fait chier d'aller promener le chien. T'sais, il pleuvait, fait que c'était plus c'est ça, vrai. C'est ça, il l'a plus ressenti. Ça aurait été plus drôle, mais en même temps moins drôle s'il avait essayé de se loguer sur le compte du gars qui habite là, tant qu'à faire. Ou s'il avait changé son adresse sur Facebook pour dire qu'il habitait là. Tranquillement, pas vite, puis à un moment donné, oups, t'en aperçois pas, man. T'as plus jamais de céréales dans ton armoire. Ça veut dire que si t'habites quelque part là, pendant 30 ans, là, puis que tu penses que c'est à toi, mais même si c'est pas à toi, là, au bout de 30 ans, ça devient à toi pour vrai, s'il y a personne qui t'a jamais contredit. Ah ouais? Ouais, ça c'est dans le code civil. Oh. Ça, c'est des lois vraiment... Fait qu'on commence à planifier. Fait que tu peux faire ça. Tu peux aller squatter quelque part. Ça fait combien de temps que les gens sont ici dans le studio à l'émission? Là, ça fait une demi-heure. On est bien parti. OK, ouais. On lâche pas. Ah, mais sinon, pitch-en un autre. D'accord, il y a un randonneur paresseux qui compte marcher toute la distance de la Grande-Bretagne virtuellement. Depuis aujourd'hui, Matthew Partridge du Towexter marche sur Google Street View. Dans le confort douillet de sa chambre à coucher. Il affirme qu'il voulait faire un voyage de 2000 km, mais ne se voyait pas faire l'effort de 16 semaines, plus la préparation. Il a donc pris une semaine de vacances afin de rendre son aventure à terme. La campagne n'est pas couverte par Google Street View. Il devra rester sur les routes principales. Ce qui est bien, dit-il, c'est que je n'aurai même pas à me lever. C'est ça qui est bien. C'est clairement l'avantage. Ouais, ben, bravo à lui, mon gars. Merci beaucoup, Bruno. On va y revenir, c'est sûr. Encore des champions, hein? Toujours des champions. Hey, Elisabeth, toi, tu nous as trouvé des lettres du secondaire. Oui, je suis allée chez mes parents en fin de semaine. On est allé voir les baleines en famille. Oh! Puis là, à chaque fois que je vais chez mes parents, il faut que je fasse le ménage de mon garde-robe. À chaque fois. Qu'est-ce qu'ils font pendant que t'es pas là? Ils refoutent le bordel? Oui, non, exactement. Les choses se reproduisent dans le garde-robe, entre-temps. Exactement. C'est le fourre-tout chez nous, mon garde-robe, parce que c'est le plus grand de la maison. Mais vu que c'est tellement intéressant, je vais arrêter d'en parler. Entre ma collection impressionnante de crayons puis d'effaces, mes livres des Babysitter's Club, puis quoi d'autre, des toutous, j'ai trouvé des lettres de mon secondaire. Puis là, je me suis dit, ah, je pourrais faire comme Israël, mais sortir les lettres de gars. Ça n'a pas été long, j'en ai 3 lettres de gars. Bon, ben voilà. Tu as des lettres de filles? J'ai juste des lettres de filles puis 3 lettres de gars. Ah, c'est pas pire. Ouais. Ouais, puis il y en a quand même une 80-aine. Ah, puis ça, là, c'est le... Ça, c'est juste qu'elle est rentrée dans le studio, il y en a deux autres grosses caisses dedans, c'est ça. Le centième de ce que je peux avoir chez moi. Eh boy, hein? Oui. Fait que là, on pourrait commencer avec une lettre de garçon. Ben oui. C'est toi qui choisis. OK. C'est écrit personnel, en gros. Comme puis, une vengeance. Puis dans le texte, c'est écrit personnel, puis c'est encerclé aussi. OK. Donc, on y va. C'est le 15 octobre 98. Azabi, c'est mon sobriquet. Quand je t'ai appelé hier, ta mère t'a appelé de même, alors... Bon, de quoi je vais te parler, c'est super important. Ceci est personnel, OK? Tu sais, même si tu n'es pas dans notre gang, tu es ma meilleure amie. Ah! Il y a des gangs. Double vie! C'est ça. Si tu ne le sais pas encore, j'ai une blonde. Tu ne la connais pas. Ça me ferait beaucoup de peine de la laisser à cause que j'ai l'œil sur une autre fille. Laisse faire le nom de la fille, OK? Tu comprends? J'espère. Il y a vraiment beaucoup d'exclamations. Moi, je comprends rien, Adam. Ben, le gars, il sait pas comment y dire. Non, mais c'est pas moi. C'est pas toi. C'est clairement pas moi. Ah ouais? Ah. Pourquoi il t'écrit à toi, d'abord? Je sais pas. Parce que c'est sa meilleure amie. Écoutez un peu, Calis. Mais tu sais, à cet âge-là, quand la personne est assise à côté de toi à l'école, puis que tu t'entends bien avec, ça devient vite puis ton que, meilleur. Puis que tous les deux, vous aimez le croche au raisin. On était faites l'un pour l'autre. Donc, je ne sais plus quoi faire, là. Si je la laisse et quelqu'un va lui dire que je prends avec une autre, ça va faire du caca. Excuse pour l'écriture. Si tu veux m'aider, tu peux m'en parler en personne ou au téléphone ce soir à 7h environ. Numéro de téléphone. PS, aide-moi s'il vous plaît. PPS, garde ça personnel. PPPS, si je casse... Si je casse avec l'autre, je vais peut-être te dire c'est qui l'autre, OK? Ciao. Kevin Poitras. On pourrait-tu essayer de l'appeler? Hey, il y a vraiment comme un suspect. Puis c'est qui l'autre? Est-ce que c'est Kevin? Est-ce que c'est Judy? Accent aigu V-E-U-N? C'est K-E accent aigu V-I-N. Kevin Poitras. Poitras en plus. Poitras, c'est ça fait plus séparatiste. P comme personnel, PPPS. PPPPS. Post-post-scripteur. Moi, je dis, je suis un autre, ça va bien, c'est fluide. C'était très intéressant. Une autre de Kevin, regardez, plié fancy. C'est peut-être la suite de l'autre. Puis attendez, t'as l'ordi. Oh, c'est ça qui est intéressant. Il ne sera pas excuse pour l'écriture cette fois. Non, c'est ça. Il va dire excuse pour les fautes. Fait que là, il y a l'entête qu'il fallait qu'on fasse à mon secondaire, là. OK, ouais. Le suivi. Bonjour, madame. Fait que là, on est rendu... Y a-t-il son numéro de groupe dessus? Oui, secondaire. Non! Secondaire 2C, numéro 23. C'est pour ça qu'on était à côté, parce que moi, c'est Pouliot, puis lui, c'est Poitras. C'est toi qu'on était à côté dans la classe, parce qu'il suivait l'ordre. Le mystère s'épaissit, okay. J'adore ça, c'était ce gars-là. Fait que là, c'est... L'intitulé, c'est « Lettre, deux points, allô ma chérie, joke », entre parenthèses. Ouais, ouais, toi, c'est... Ah, OK. « Allô ma chérie, joke », encore, entre parenthèses. « Como estás? Comment ça va, entre parenthèses? » Non. On sait jamais, beaucoup d'exclamations. « Moi, super débile écœurant, bon salut, hi-hi-hi, commençons. » Martin est très... Trouve le mot. Martin, c'est le gars que je sortais avec en secondaire 2. Ah, OK, je pensais que c'était l'autre dont il était amoureux. Non, ça, c'est Donovan. OK. Laisse faire la raison, OK? Je me comprends, c'est la vie alouette. Aussi, je pense que tu me trouves smart. Oui ou non, moi, super. J'espère que ton party de fille était le fun. Moi, on peut dire que oui. Tout le monde bad tripait. On était toutes gelées. Let's go tout le monde sur le party. On rentre vraiment dans la substance. Hein? Ouais, c'est la substance-là, ouais. C'est comme le montage de perdition du deux tiers du film. Là. Ça va plus pour Kevin. Là. Il est entre Martin, puis entre Julie, puis Elisabeth. J'espère que tu pourras venir, toi et tous les autres dimanches. On va se faire du fun en masse. Bon, j'arrête de placoter. Toi, la vie, c'est ainsi. Excuse pour Martin pour hier. Je le trouve un peu pense-bon avec son quatre roues. C'est un pense-bon. Ton chum, il avait un quatre roues. C'est pour ça que c'était son chum. Ça a duré deux semaines, on s'est même pas frenché. Vous fourrez? Mais toi, tu fais un tour de quatre roues? Non. Même pas. On s'est tenu par la main lors du midi une fois. Oh, ça a fait jaser. J'étais prude beaucoup. Ben oui. Non, mais pour de vrai, tu tripes-tu dessus? En tout cas, c'est ton choix, pas le mien. Passe une bonne journée, puis c'est ça. Je pense qu'il s'ouvre le cœur. Ouais, ouais, c'est un message. Je sais pas du tout. Je pense vraiment qu'il tripait pas sur moi quand même. Non? Je trouve ça assez difficile à croire. Ouais, c'est ça. S'il prend le temps d'écrire des lettres. À suivre. T'en as une troisième, c'est-tu Kevin encore? C'est pas Kevin, c'est Jérémy. Ah, ben en tout cas, on va espérer qu'il y a des nouvelles de Kevin. Pas Jérémy, ton frère, toujours. Non, Jérémy, mon ami de secondaire. Moi, je trouve ça drôle quand le monde t'envoie une lettre puis qu'ils disent bon, je vais arrêter de parler de moi, là. Toi, comment ça va? On avance. C'est le moment où tu dis 10-4 puis que t'attends deux semaines pour le retour. Hey, nous autres, on a commencé à jouer à Donjon hier, puis c'est pas mal cool, parce qu'on joue comme à Le Cap, là, en Afrique du Sud, là, puis c'est comme dans le temps de la guerre des Boers, là. Puis j'ai inventé The League of Ordinary Gentlemen. C'est comme une gang de pédants là, à l'anglaise, là, puis tu sais, ils sont comme... Ben, j'espère que c'est plus le fun que le film, parce que le film... Oh, ben, bon, du coup, ouais, j'espère. En même temps, moi, j'aimais ça, les concepts. Le Capitaine Nemo, il était cool. Ouais. Ben, c'est parce qu'il faut que tu lises les BD. Ouais. Ben, moi, j'ai fait tout. Ça. J'ai pris le film et les BD. Ah ouais. Paf. D'une claque. En même temps. Non, non, ben là, wow. En même temps. Un à la fois. Hey, ça va nous amener, je pense que DJ George, ça va faire du bien de... De recommencer à t'écouter. Ben oui, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la présentation, le début, tout. Ben, écoute, moi, ça fait longtemps aussi. Kevin, je m'ennuie, t'écoute. Oui, Kevin, c'est pour toi. Avant de plonger de vive voix dans mon sujet de fierté gay, je voulais juste vous dire que j'étais allé manger au Pizza Hut pendant mes vacances. Puis, comme à chaque fois que je vais dans un restaurant de même, vu que j'ai un fils qui a maintenant 10 ans et demi, ben, il reçoit un petit napperon pour enfant. Puis, la première affaire qu'il fait, c'est qu'il switch avec le mien. Fait que là, moi, je m'amuse avec les crayons de tir, je fais tous les jeux, pis tout. Pis là, sur ce napperon-là, il y avait des blagues. Fait que je me suis dit, hey, ça serait le fun de les lire en ondes parce qu'elles sont vraiment, vraiment bonnes, OK? Alors, ça va comme suit. Trois tomates marchent sur la rue. Le papa tomate, la maman tomate et le bébé tomate. Le bébé tomate doit marcher très vite pour rattraper papa et maman tomate. La maman tomate s'inquiète et lui dit... Ne marche pas si vite, tu vas devenir rouge comme une tomate. C'était la fin de la joke, c'est pour vrai? Oui, c'est la fin de la joke. C'est un peu une adaptation de la joke de Uma Thurman dans Pulp Fiction. C'est ketchup. C'est ça. Ketchup, c'est plus drôle. Ouais. Sinon, comment réparer une pizza brisée? Réponse à l'envers, si on apprend, avec de la pâte de tomate. Celle-là, je vois vraiment pas comment ça peut être une blague. Et ensuite, comment un fantôme fait pour manger sa pizza? Réponse, en passant au travers. Merci, bonsoir. Ah, ben j'ai catché, c'est comme des jokes qui ont rapport avec le restaurant en plus. Ouais, c'est oui, ça, c'est des jokes culinaires. Ça, ça, c'est bravo. Ouais, mais t'as connais-tu la joke de la pizza? Non. Elle est plate. C'est celle de la cravate, ça. Non, mais ça marche avec celle-là. Elle est longue, bien plate. C'est piquant qu'on s'en connaisse pas des fantômes qui mangent des pizzas. Mais oui, en passant au travers. Moi, je savais pas qu'un fantôme pouvait manger des affaires. Ouais. Personnellement, je l'apprends aujourd'hui. Ça grâce même, à pizza Slimer. Il y en a même qui peuvent se marier, je pense. Ah oui? Entre eux? Bon, ils ont-tu une parade de la fierté fantôme? Alors, pour en arriver justement à la parade de la fierté gay qui était hier, donc j'ai trouvé des chansons, moi aussi, je suis fier d'eux autres, les gays, parce que non seulement ils s'affichent un peu partout, mais ils font aussi des tunes poches, où il y a beaucoup de tunes poches qui sont faites à leur sujet. Donc voilà, fait que je trouvais que ça valait la peine d'être mentionné. La première chanson que je fais jouer, c'est évidemment le pérennial, le grand classique de Paulo Noël qui pourrait jamais être endisqué aujourd'hui. Ça date de 1973. Je m'appelle Paulette, je suis une tapette, la vie sanguinette. Et j'ai décidé de me marier pour devenir vedette. Comme un viadin, on prend des enfants avec la côtelette. Pas besoin de pilule ni de vasectomie, on est des tapettes. Flouche, flouche, flouche, flouche. Ça, c'est bien connu. Bon, ça c'est. Merci, ouais. Un grand, grand classique, effectivement. Oui, et vu ça, on n'a pas le choix, en fait. J'étais obligé de le mettre, même si c'est pas c'est particulièrement... C'est comme la chanson « Noël des campeurs », faut que tu la mettes en « Noël des campeurs ». « Noël des campeurs », exactement, c'est ça. Fait qu'à chaque parade de fierté gay, maintenant, nouvelle tradition, on va écouter ce bout-là de cette chanson-là. Sinon, dans le genre, quelqu'un qui exagère la gaieté, j'ai trouvé une chanson de André Montmorency, qui est gay pour de vrai, lui, contrairement à Paulo Noël, mais qui avait un personnage de gay extraverti dans l'émission « Chez Denise », autour de 1980. Son personnage s'appelait Christian Lalancette, ça dit peut-être quelque chose à du monde ici. Effectivement. Il faisait un coiffeur. Souffrance que j'ai eu du fun. Exactement, son grand patois Souffrance. Oui. Donc, lui faisait le coiffeur, puis chez Denise, c'était Denise Filiatro, qui avait une espèce de bistrot, un petit bar. Et c'était passablement poche. Oui, oui, oui, puis il y avait plein de monde connu qui jouait là-dedans, mais dont lui. Fait que lui, il a fait, en 1980, la série a duré de 78 à 83, imaginez-vous, puis en 80, il a sorti un 45 tours. Sous les traits de son personnage, Christian Lalancette. Au pic de la popularité. Ouais, dans de son l'apogée, personnage. Et ça s'appelle Whoosh Whoosh. C'est pas le disco, hein. Ça s'appelle comme pareil que l'autre. Presque. suis une blower à 9 tous les matins. J'ai de la vigueur, presque autant que je ne serais. Je fais des frisettes, des modeling, des shampoings. Je fais des bouclettes, puis je fais tout ça à main. Je suis la star des coiffeurs du quartier. La coupe canard, le shingle, le shaggy. C'est toute la semaine que je suis obligé de travailler. Le samedi soir, j'en profite pour soigner. Si tout j'arrive dans mon appartement, je me jette dans le bain et puis je me brosse les dents. Les chics me poignent quand je vois leur avancée. Charlotte Colonne, je m'asperge de Fabergé. Me trouve vaincu dans ma chemise échancrée. Je grave mon sac avec les épaules pâtées. En dernier tour pour compléter l'autre. Je me mets dans mon bain. Je fais des poules, je pouvais pas. Wash la back wash. Wash, wash. Sur le plancher danse. Wash, wash, wash. Vas-y, fais wash. Viens faire okay, ma performance. Qui veut que ça continue, ça? Non, non, arrête. C'est parce que ça fait longtemps qu'elle s'est pas venue, fait qu'on est plus habitué de dire arrête, c'est ça? Ouais. Non, non, ouais, c'est assez. Là. Non, mais y'a-tu un good? Non, ça, c'était le refrain. Je pense pas qu'il y ait vraiment un bridge. Que ça sonnait comme un bridge, mais non, c'était un refrain. OK, on va l'arrêter. Vous êtes plate. En tout cas, je pensais plus tolérant que ça avec la communauté homosexuelle. Ben oui, c'est sûr. Parce que c'est directement contre eux. Oh oui, c'est clairement ça. Oui, oui, oui. Bon, OK. On va changer de style, mais vous allez voir, ça sera pas vraiment meilleur. J'ai déjà fait jouer, à un moment donné, une toune de Josette Noreau. Qui nous parlait de son jardin, ben sur le même album qui s'appelle Sans abri, elle a une chanson qui s'appelle Guy. Parce que Guy? Guy gay, bien sûr, parce que Guy, c'est son ami gay. Donc, c'est peut-être ça que Kevin était pour Elisabeth, dans le fond. Il était peut-être viré gay, puis tu sais pas. Parce qu'apparemment, dans cette chanson-là, ça nous apprend que toutes les filles aimeraient ça avoir un ami gay, parce que c'est cool, tu sais, c'est comme presque un chum, mais pas vraiment en même temps, puis il n'y a pas de danger. Tu peux faire du magasinage avec. C'est ça, puis il n'y a aucune tension sexuelle. Tu peux cruiser les gars, puis etc. C'est pas un chum, mais c'est plus qu'un chien. Exactement. Fait que c'est ça qu'elle nous dit ici dans Guy. C'est très jazzy. On rappelle que j'ai déjà joué avec Josette Doreau. C'est vrai. Guy. Oh. Il y a beaucoup de trémolo. Parce que tu es gay. Hey. Que je suis mariée. C'est légitime de s'aimer. S'aimer comme ami. Ouais. Guy. Parce que tu es gay. Ben, attends, Guy n'était pas gay. Ce n'est pas compliqué. On n'a rien à se prouver. Ça sera dans la louche, fait que oui. Bien plus qu'un copain, mieux qu'une copine. Mieux. T'es plus qu'un frangin, presque une frangine. Ensemble, on devient. On vient? Moins ouais, j'aime ça. Le trémolo, elle utilise très bien le trémolo. Ouais, pas tout le temps sa note. Pas tout le temps. Elle joue bien plus. Mais elle vibre autour de la note. C'est ça. Le trémolo est mis. C'est sans importance. Bon enfance. Fait que je dis ça à tous les gays qui nous écoutent. Gay. Ouais. Qu'ils soient gays ou non. Parce que tu es gay. Mais peut-être que c'est parce qu'il est heureux aussi. Comme d'éternel. Non, ça a pas l'air d'être ça. Non, et j'avoue. On sait. Aïe, aïe, aïe. Ça donne des latitudes. Ça. Gay. Je m'étonne pas de ça. Pudique. Faudrait quasiment mettre le Guy en boucle, ce serait bon. Platonique. Oui, ce serait bon. Ben, j'aime ce qu'il y a du Guy, mais là, on pourrait changer de tout parce qu'on. Hein? Oui, on a fait le tour rapidement hein, de ça. J'aime bien les cuivres en arrière, ça a l'air d'être beaucoup de gaspilles de potentiel. Oui, ouais, hein. Mais c'est feutré. Oui, oui. Voilà. Fait qu'on va passer du feutré au maquillage droit dans ta face comme une claque avec Mado Lamotte, la très sympathique Mado Lamotte. Qui nous a sorti un album il y a très peu de temps, en fait, quelques mois. Ça s'appelle Full Mado, le remix album. Ah, et voilà, ça y est. Il ne suffisait que de ça. C'est Mado ou c'est la fille? C'est Josette Noreau, sûrement. J'espère, en tout cas, c'est Mado, c'est pire. Donc, Mado, son album, c'est juste des chansons remixées en gros dance. Et puis, chacune des chansons s'appelle, entre parenthèses, full quelque chose mix. Puis là, ça dépend d'une tune à l'autre, ça change. Donc, on va y aller tout de suite avec Corps à corps, donc une reprise de Châtelaine. Oh, corps yeah. à corps, entre parenthèses, full fiesta mix. C'est très puissant. Hey, l'album de Mado, là-bas. Ah, oh, c'est festif! Ah oui! Oh, wow! Non, on sent la fiesta. Ouais. Ouais, comme si on se faisait gaver. Oh, oui, c'est ça. C'est bon pour le moral, hein? C'est comme... c'est comme si on se faisait gaver de testicos à sauce médium. C'est tu elle qui chante? Oui, ben là pour l'instant, il n'y a personne qui chante, mais oui, ça va, okay, ça va être elle. Là, c'est juste la fête, là. J'aime pas ça quand on dit elle. Moi, j'ai l'impression que t'es piñata partout. Il veut qu'on l'appelle elle. Il veut qu'on l'appelle elle. Ah ben c'est vraiment un update intéressant de l'œuvre, c'est important de. Oui, ben oui, je pense de la réadapter au goût du jour là, de la. Oui. Bring it back, man. Bring c'est it ça. Back. Ouais. Au goût du jour de là. Non. Fait qu'on salue Châtelaine en passant. Je sais pas ce qu'il est devenu. Elle fait des revues à cette heure, hein? Ah oui? Ouais, des revues Châtelaine. J'y ai cru pendant un instant. Fait que ça, c'est assez représentatif de l'album. C'est le même un peu tout le temps. On peut switcher rapidement à L'amour est dans l'air. Traduction de Love is in the air de Martin T'as-tu Stevens. Un full tranquille remix. Non, malheureusement, c'est full pit-pit mix, celui-là. Je sais pas trop ce que ça peut vouloir dire. Ça va être oiseau. Ouais. Non, c'est juste, ça doit être un clin d'œil à un de ses amis. Ouais, c'est un clin d'œil de pit. Ouais. C'est peut-être à cause de ça. J'aimerais ça qu'elle dure longtemps, la chanson. J'aimerais ça qu'on pense à une autre full, quelque chose de mix. Moi, ça me semble qu'elle reste un petit peu encore. Ah ouais, on va attendre chanter quand même. On peut l'avancer, tiens. Ça va être un compromis. Parce que là, ça tombe. Hein? Oh. On dirait du normal amour en plus rapide. Ouais. Du Anne-Marie Logic en plus de pommes d'Adam. Ouais, ouais. À peine. L'amour est dans l'air. Mado, attends. Ouais. Ah ouais, c'est Mado tout ça. Ouais, ça ressemble vraiment à normal amour. L'amour, il est dans l'air. Partout autour de moi. Dans l'air, de l'amour. Et je ne sais pas ce qui m'arrive, mais quand tu es là, c'est qui ton label? Je sais pas. Ok, Anne, on est sans ce combat qui est un peu plus très bon. On souhaite chute chronique. Ils ont eu, là. Ah, attends, regarde, je finis avec une affaire qui sera pas longue. Il y a des interludes sur le disque de Mado qui sont des espèces de mini-sketchs hilarants. Ah oui, c'est presque autant que des blagues de pizza. Bon, ça, j'ai l'interlude attendre. Dans la douche de Mado. Qui est le meilleur, selon moi. J'y veux tout. Laver, les carreaux, les planchers, laver. Je sais plus les paroles, laver. Aïe, aïe! Hey, en bas, là, c'est pas le temps de faire votre lavage, dans la douche. Et le Félix va, hein? Mado Lamotte! Oh mon Dieu, merci! Hey, je suis tellement contente, là! Oh, je voudrais remercier mon producteur, mon coiffeur, mon designer et surtout Star Academy de jamais m'avoir invité comme ça. Ben, je suis pas encore une has-been. Non, mais en fait, là, ce trophée-là, je peux pas l'accepter parce que. Ben, c'est une bouteille de shampoing ivre chaud au bambou. Ça sent pas en tout le bambou, cette affaire-là. En fait, ça sent le vieux gazon mouillé. Mais je voudrais surtout dire merci à mon commanditaire, Wonderbra. Vous êtes bien dans votre peau, ravissante, Wonderbra. Ben non, niaiseuse, tu peux pas être commandité par des brassières, t'as pas de boule, vierge. Laver. C'est drôle, hein? Les carreaux, les planchers, laver. On essaye entre les deux émotions. Et voilà, ça finit sur un fade-out comme ça, fait que les gays, je suis fier de vous autres malgré ça. Voilà. Et elle avait fait tout ça, un excellent rap à Minifi, il y a une dizaine d'années. C'est... Je le garde pour plus tard. OK. Là, trop de Mado d'une shot, c'est dangereux. C'est dur pour la motte. Hein. Oui. Hey, c'est la joke à Mado, là. C'est drôle, hein? Ça, c'est le meilleur, je pense, dans les quatre interludes qu'il y avait. Tu viens de me faire débouler des escaliers qui étaient juste dans ma tête, là. Oh, man. Hey, Louis-Philippe, bonjour. Bonjour. Hey, sauve-nous, man. Tu vas nous jouer une chanson de ton dernier album? Non! J'ai pas d'album. Je vais jouer une chanson, peut-être. Tout court. Ben, tu pourrais commencer par une chanson, mais pour ben ça, je vais poser des questions sur ton 1000$. Ah, ouais, c'est vrai, ça. Bon, ben, t'as un petit. J'ai 1000$ dans mon compte, puis c'est comme super rare. Fait que là, Zé voulait vraiment m'en parler. C'est quoi tu vas nous jouer, là, maintenant? Ben, justement, c'est une toune sur le 1000$, un petit peu, parce que 1000$, en gros, c'est le Frima, le festival La Relève indépendante. en Abitibi, musical en Abitibi-Témiscamingue. Ouais, c'est ça. Puis, tu l'as gagné pendant qu'on était là. Dans le fond, on a joué ensemble sur le même stage le même soir. Puis, en tout cas, il y a des anecdotes qu'on comptera tantôt, mais. Ouais, c'est ça. On les compte tout de suite. On va expliquer la toune. On va expliquer la toune après que tu l'aies joué. Ouais, ça va être plus drôle. Mais bref, c'est sur l'Abitibi. Ça s'appelle Hôtel Continental. Hôtel Continental, ça sent le sentimental. La misère est grosse pis noire. Je m'ennuie de ma mère. Pour vous essuyer la tâche originale, vous avez fait monter des Saintes Vierges en cavale. De rock'n'roll femme dormir dans van. Ce fut un week-end magique, Val d'Or au Malartic. C'est l'abstil. Je n'y retournerai pas. Rivière et vent. Comme une larme dans mes yeux brouillés, tu m'as fait pleurer dans mon déjeuner. Dehors le son d'un western en carton. Les Amérindiens savent plus où se mettre. Les ados scooters fument du Christ à l'allumette. Le serveur albino échappe sa fourchette. Ah, ça s'ouvre les veines. Mais ça vaut-tu à peine? Y'a déjà du sang tout plein. Mon journal de Montréal. Hôtel Continental. Ce fut un week-end magique. Val d'Or, Malartic. Je ne retournerai pas. Rivière et vent. Ce fut un week-end magique. Val d'Or, Malartic. Je n'y retournerai pas. Rivière et vent. Merci. Bon travail, ça. Merci. Ouais, ben, gros, on devrait trop compter l'anecdote, sérieux. C'était vraiment drôle. En fait, j'ai fait pleurer Louis-Philippe. Ah, puis j'ai inventé le terme quand je l'ai fait pleurer. J'ai conté une anecdote savoureuse qui est à la fois triste et très drôle. Ben, d'après, il faut expliquer le contexte, genre, qu'est-ce qui se passait autour de nous autres. En gros, là, on était au Frima. Moi, je suis allé dormir dans la chambre des prostituées, tu sais, puis je me suis réveillé. En tout cas, je ne compterai pas tous les détails quand même, mais je me suis réveillé habillé avec mon suit propre sur le coin d'un litre, puis c'était trash tout autour. Tu sais, Val d'Or, pour ceux qui sont jamais allés, Val d'Or, je vous aime beaucoup, les gens qui vivent là, mais Val d'Or, votre ville est trash en esti. Sérieux, là, c'est comme toute la rue principale. Il y avait principale. Un Indien qui avait chié. Ah ouais! C'était beau. Donc, puis là, bref, dans ce contexte-là, on est à l'Hôtel Continental, puis on mange le déjeuner, moi, Félix, puis Zad des prostitutes. Oui. Ben, lui, ce gars-là, mais Félix, c'est aussi un gars des prostitutes. Puis, bref, on mange notre déjeuner, et Zad compte l'anecdote suivante. Ouais, c'est ça. Fait que je sortais avec Mélissa, puis là, on fourrait plus ben. Fait que là, je demande à Bu, mon meilleur chum à l'époque, de me dire « qu'est-ce que je devrais faire pour fourrer plus? » Elle me dit « ah, ben, achète-toi des nouvelles bobettes ou ben, rase-toi le bikini, ça marche! » Fait que là, un soir, je rentre bien chaud, puis je me rase de la poche, tu sais, comme du monde. Je trime tout, là, je fais ça, ça me prend 2 heures. Puis là, Mélissa arrive, elle vient se coucher, puis elle bougonne. Puis là, elle me taponne pas, fait que là, elle se rend pas compte. Fait que là, je pogne sa main, puis je la mets dans mes culottes, puis elle dit « voyons, t'es bien cave! » Puis là, elle m'a crissé là une semaine après. Puis ça m'a piqué pendant 2 mois. Fait que c'est à déconseiller de raser la poche en parlant. Fait que là, c'est ça. Puis là, Louis-Philippe, il trouvait ça tellement drôle et tellement triste qu'il s'est mis à pleurer à grosses larmes dans son déjeuner. Puis petit à petit, c'est une... En plus, c'est le vulgaire machin. Ah oui, ça a pris des proportions incroyables. Les vulgaires machins, ils ont mis ça sur leur blog, pleurer rire, puis ça vaut vraiment la peine d'aller voir le blog des vulgaires machins parce que c'est toutes les anecdotes pleurer rire qui se sont passées en tournée, fait que vulgairemachin.com. C'est à la fois drôle et pathétique tout le temps. Ouais, c'est crissement drôle et pathétique. Je voulais savoir, mon Louis-Philippe, on va te poser des questions. Ouais, ouais, vas-y donc. Qu'est-ce que t'as fait avec ton 1000$ que t'as gagné cette fin de semaine-là, d'ailleurs? Ben, t'as été témoin d'une partie de mon dépensement d'argent la soirée même. OK. Non, mais en gros, j'essaie de... Présentement, je vis pas mal juste... Sur mon 1000$. Mais pour vrai, non, mais c'est le fun parce que 1000$, ça passe assez vite, mais c'est des tapes dans le dos, le fun, tu sais. OK, c'est... ouais, d'avoir gagné un concours. Comment c'est qu'il y a la flûte de pan qui joue pendant que je parle? Parce qu'on est de même, nous autres, on met les drames sonores de fond. Ouais. Ça okay, rajoute du poids à ton propos. Je pensais que c'était un quêteur, genre, qui s'était mis, qui était rentré dans le studio. Ah, non. Il a entendu ça que t'avais de l'argent. Okay. Non, j'ai pas fait grand chose avec mon 1000$ jusqu'à date, mais je l'investis. En fait, non, c'est pas vrai. Moi, j'ai fait un petit truc en studio, j'ai enregistré les affaires, fait qu'une partie est là-dedans. Ouais. Puis en décembre prochain, là, je devrais taper un vrai EP dont vous entendrez parler. Avec le restant de 1000$? Non, avec ouais, avec le comme 5 piastres. J'ai une question à 1000 piastres pour toi. Ouais, vas-y donc. Tu fais-tu un show à Montréal bientôt? Oui! C'est bon, ça, c'est une bonne question, c'est plus le fun. 21 septembre au Cheval Blanc, sur la rue Ontario, en 5 à 7, mardi le 21 septembre. Ah, Chris! Puis sinon, j'ai plein de shows, j'ai des shows en région, là, plus en Abitibi qui s'en viennent. Moi, je suis un Abitibi. Des shows à 1000 piastres? Des shows à 1000 piastres, oui. 1000 piastres à porte. 5 okay, piastres à l'avance. À 1000 piastres de nez, on garde pas la bride, mais comment ça se fait que t'es rendu que tu joues tout seul, t'es tune le fun à la place de jouer ton jazz compliqué avec les contracteurs? Ben en fait, hey, c'est pas vrai, les contracteurs, on joue encore du jazz compliqué. On a fait un matin, première pratique en 6 mois, les contracteurs généreux, c'est mon band et tout. C'est pas pire parce que vu que tu gagnes pas 1000 piastres avec les contracteurs, t'as pas besoin de les splitter. Non, c'est ça qui est, ben justement, c'est ça qui est crissement cool. Jouer tout seul, je split le cash à moi, puis y a personne qui est fâché si je m'en vais dormir pas à l'hôtel, puis okay, ben, ouais. Bref, on s'en calisse. J'ai pas mal juste moi à m'occuper d'eux. J'ai personne à qui donner des coups de pied dans le cul pour venir c'est aux pratiques. C'est-tu un message que t'envoies aux autres membres des contracteurs ouais. généraux? Non, en fait, c'est moi qui avais besoin d'un coup de pied dans le cul un matin. Je suis arrivé comme 1 heure en retard à pratique. Les amis, je suis vraiment désolé. Je le dis en onde officiellement. Je m'excuse. Depuis que tu as gagné 1000 piastres, il n'y a plus de manière. Tu vas nous jouer une autre tune tantôt dans le fond. Ouais. Puis on va te poser merci d'autres questions. Merci de m'inviter. C'est cool. Ben ouais, ben t'es un grand fait, chat à moi. Israël, je l'ai vu hier puis j'étais un peu en état d'ébriété. Puis il m'aime en crise parce qu'il m'a quand même invité dans son émission. OK, cool. Ben est-ce oui, qu'on va certain pouvoir qu'on parler est content. Aussi à ton ami tantôt. Ben oui, vous avez plein de questions. Vas-y, pose une petite dernière, là, si t'as envie. Après ça, moi, je vais mettre un bout de film. Non, ça met du mystère pour tantôt, tu m'as posé tantôt. On continue tantôt. Aïe, moi, je mets le début de Death Race. La brosse. Ah, les gros moteurs et tout. Hein. Death Race, c'est une course de la mort. C'est sur fond d'une espèce de satire des États-Unis là, qui sont rendus décadentes de pain, de vin et de jeu. Là. Il y a un film qui s'appelle Death Race, ça a-tu rapport ou pas? Ouais, c'est ça, ah, Chris, j'étais pas là au début, moi. Ouais, c'est ça. Ce qui arrive. T'as même manqué ton indicatif. Ah ouais? Ah ouais, que. T'as fait avec les contracteurs. Ah! En tout cas, c'est les États-Unis, là. Okay. C'est le début de la course. La course, ça dure 3 jours. Ils commencent à New York, puis ils s'en vont jusqu'à New Los Angeles. C'est pas New New York? Non. Hein? Ouais, ça, c'est les batailles. Ah, c'est les États-Unis. Puis là, ils vont nous présenter les premiers coureurs. On va écouter ça un petit peu. C'est comme le prêtre qui s'occupe de l'église du plaisir. Oh, chère immense et lumineuse foule! Vous, les sportifs américains, mes frères, ce jour, nous fêtons la 20e édition de la grande course transcontinentale. Ce jour, devant vous, les plus valeureux parmi les femmes et les hommes de la plus valeureuse ouais, c'est nation ouais, c'est lui, hein. ont risqué leur jeune vie Total, dans un événement sportif inégalé depuis Spartacus. Dans 3 jours, un nouveau pilote sera champion d'Amérique et l'on verra le monde se prosterner en extase devant le prince de la violence. Que personne ne bouge, voici Junior Bruce, votre reporter favori et le mien. Écoutez-moi et vous suivrez point par point, manche après manche, la folle course à travers le continent de vos pilotes adorés, garçons et filles. Est-ce que j'entends le bruit des moteurs? Oui, c'est Calamity Jane Kelly, la reine de l'asphalte, au volant de sa vicieuse petite voiture, El Toro. Quel titre! Le jeu s'appelle Junior Bruce. C'est une fille béton. Calamity Jane, meilleur temps aux essais de Watkins Glen, placée seconde en 98. Elle était en tête l'an dernier à la mi-course quand une panne de boîte de vitesse l'obligea à abandonner. Ses admirateurs et ses amants la soutiendront encore cette année. Mes fans peuvent me soutenir s'ils le veulent. Si ma chance avec mes amants doit s'améliorer encore, c'est Mado. Tu perdras, n'est-ce pas, Pete? À quelques minutes de la course, le cœur et l'esprit en fête. Ici Grace Pender, toujours présente où les choses se passent, qui va souhaiter la bienvenue au plus grand des pilotes de notre époque et qui plus est, un cher ami à moi. Oui, crise de cochon. Dans quelques secondes à peine, vous le verrez apparaître par cette porte. Elle est fatigante. Elle est vraiment fatigante. Elle dit que tout le monde est son bon ami à elle. Il n'y a rien à craindre, messieurs et mesdames. Le patient est venu d'Europe par avion en état cataleptique. De façon à faciliter la cicatrisation des nouveaux membres transplantés. Il devrait reprendre vie dans un instant. Fait que là, ils ont amené un gars en dessous d'un drap sur une civière. Puis là, ça donne qu'il reprend vie à l'instant. C'est fait planter, là. Là, il y a une cagoule. Oh. Frankenstein. Quelques mots en exclusivité. Quoi de neuf dans les vieux pays? Comment va le président? Est-il toujours à Moscou? Monsieur le président est dans son palais d'été à Pékin. S'il vous aime. On va comprendre à la fin. Et tous les vrais patriotes aussi l'aiment. Et la voilà! Cette adorable fanatique de la croix gammée! Matilda Attila de Milwaukee et son adorable copilote nazi. Hermann, le renard allemand. Son adorable éco-pilote nazi. Là, c'est pas un petit gamin. Mathilda, Hermann, croyez-vous que cette année, vous pourrez enfin être les premiers à New Los Angeles? À nous, la Californie. Et demain, le monde. Hé, Hermann. J'espère que ta bombarde va être un peu plus nerveuse au décollage que l'an dernier. Son adorable petit nazi. Westphal pour appeler sa voiture El Toro. Le veau lui irait mieux. Frankenstein, le président traversera-t-il le Pacifique pour couronner le vainqueur? Oui. Est-il vrai qu'avec votre nouveau bras articulé, vous êtes capable de changer de vitesse en un vingtième de seconde? Voulez-vous faire un commentaire? Non. Que pensez-vous du fait que vous allez courir avec un navigateur inconnu? Vous adorerez, Annie. C'est une vraie reine du sex-appeal. Je préfère une reine du copilotage. Ben oui, parce que c'est ta copilote. L'interview est terminée. Mais... C'est le lion! Et au volant, Ray Lonigan dit Néron. Il n'a jamais terminé la transcontinentale, un mais il vient de remporter 3 victoires en province et il a un nouveau bolide. Néron est venu chercher la victoire et avec rien d'autre. Avec des routes bénures. Reste tranquille, Cléopâtre. Tu me caches avec tes bras. On dirait que la prémisse... Je pensais que c'était avec son nez, moi. La prémisse serait la même que Wacky Races de Anna Barbara. Oui, c'est à peu près ça. Là. Ça serait le principe, effectivement. Il n'y a comme pas de pigeon, là, mais sinon, c'est à peu près dans cet ordre-là que ça se passe. Il n'y a pas un chien qui fait... Ah, ben, il y a la voiture avec Scooby puis Scrappy-Doo, puis il y a la voiture avec... ça n'a pas de... Ouais, c'est des... Mais c'est un film assez spécial, là, celui de ce soir, Death Race 2000. Là, on a bien vu, là, c'est comme... tu sais, eux autres, c'est dans les années 70, là, c'est en 75 que c'est fait. Fait qu'ils ont imaginé les médias du futur que c'était agressif, puis plus punché, puis tu sais, que ça changeait plus, là, de plan tout le temps, puis tout, là. Ouais. Je pense que ça a bien été de ce côté-là. Donc, c'est Death Race 2000. Tout d'abord, rectification journalistique. J'ai confondu la semaine passée LL Cool J avec Ludacris. Attention. Je m'en veux vraiment beaucoup. Peut-être un des deux qui va essayer de te tuer, là. Ce soir, c'est la première des fois que je vous achale avec le party du 28 août. Ça va être 10$ à l'entrée. Puis si vous arrivez au début puis que vous toffez les 12 heures, mais ça peut devenir payant. Parce qu'on fait un pool. C'est comme un gamble. Si t'es capable de toffer jusqu'au bout, ben tu te partages avec ceux qui ont toffé jusqu'au bout l'argent qu'on a mis dedans. L'argent complet, c'est même pas moitié-moitié? Ben ouais, c'est moitié-moitié. Ah, mais faut-tu t'arriver... Ah, ouais. Ben faut t'arriver au début, là, parce que si tu partais à faire. Si t'arrives à 10h le soir, puis que tu viens écouter le dernier film... C'est trop facile. C'est ça, voilà. C'est exactement ça. Donc, sinon, ben, si vous connaissez pas encore Vidéoville, vous pourrez pas dire dans le futur, je connaissais ça avant tout le monde quand ça va être big. Fait que moi, je vous conseille de taper Vidéoville et d'aller écouter au moins une de leurs chansonnettes. À soi, c'est Death Race, ouais, en français, là. Je savais même pas que ça existait, puis je l'ai écouté tantôt pour la première fois en français. Tu sais, Martin Cove, là, quand on le voit aller, là, ça fait tout le temps un petit peu chaud au cœur. Il est tellement laid, trognon. Hein. C'est comme un petit peu le plus gros toutou dans le stand de tu sais, avec les trois canettes, là, puis les balles, là. C'est Martin Cove. Mais bon, jase, là, les vrais héros du film de ce soir, c'est les annonceurs TV, là. Il y avait Junior Bruce, puis Grace Machin, là. Le content lessivé de l'encéphale qui parle tout le temps fort et motivé. La moustachue déprimée, habillée en noir et qui parle comme un ours qui est en train d'hiberner. Et bien sûr, l'intervieweuse anti-empathique, amoureuse du dernier mot et l'amie de tout le monde. Les trois personnes qui me lèvent le plus le poil dans le dos à chacune. Vraiment, c'est eux autres, je pense, les charmes du film de ce soir. On continue à en parler tantôt. Peut-être que tu veux mettre une chanson au complet, Étienne. Peut-être. Peut-être qu'on pourrait la laisser jouer, puis fermer les micros, puis se remettre des jokes de Mado. Puis t'en mettras un autre de Mado après. Ben, regarde, je peux en mettre une de Mado, puis on exorcise tout ça jusqu'à fond. Là, on en a parlé déjà du rap de Minifé, qui est une vieille toune qui a été remixée maintenant pour le remix album. Donc, c'est le rap de Minifé, entre parenthèses, full yo mix. Et c'est vraiment excellent. Il y en a qui sont bons pour vendre le sauce à 70%. Vous allez voir, ça va rappeler des bons souvenirs d'enfance. Les meilleurs mini-films. Attention les filles! Mini-films! We'll be right back. Bonjour, j'appelle pour placer une petite annonce dans la section femmes recherche hommes. OK, mon annonce va comme ce suit. Jeune femme dans la trentaine, bon, plus proche de la quarantaine que de la vingtaine, là, mais quand même de très belle apparence, aimant la vie, les promenades en forêt, le gâteau au chocolat et le bingo. C'est correct, là? Je vais pas trop vite? OK, je continue. Ça va bien. Bien dans sa peau, affectueuse, un petit peu chialeuse, là, mais très généreuse et surtout disponible en tout temps. Désirerait rencontrer un homme, là, un vrai, avec ben du poil, là, pis des grosses mains, là, qui aime l'aventure, les soupers sur le barbecue, le sport à l'horizontale, et les films de Star Trek. Poète, chanteur, country et végétarien s'abstenir. Non, non, non. C'est tout, là. Ah oui, je peux-tu rajouter un PS? Oui, bien sûr. Très important. Tu dois être ouvert d'esprit parce que j'ai une chatte, pis elle est lesbienne. Bonjour, ici DJ Georges de Radio Cochonnerie. Vous écoutez présentement Choc FM. Ben, Capitaine Québec, une blague. Oh mon Dieu, un coup. Ah ouais, une blague, c'est une fille. J'en connais pas en tout. Bon. Je suis pas bien bon là-dedans. Pas en tout. Excuse-moi. Là. Ah ben non, mais c'est correct. Ça en est déjà presque une. Ah, Capitaine Québec, qui avait d'autres talents. À part pas savoir compter des blagues. Ouais, on pourrait appeler ça le gars du défilé de la Saint-Jean. Je pense que ça résume parfaitement. On pourrait dire que c'est pas mal ça qui fait dans la vie. En tant que capitaine Québec. Alors, l'avion venait de se poser à New York. Un passager du vol de la compagnie JetBlue tentait de retirer son bagage à main pendant que l'avion roulait encore. Steven Slater, un membre du personnel navigant commercial, c'est comme ça qu'on appelle un hôtesse de l'air à cette heure, l'a averti de reprendre son siège et une dispute a éclaté, se terminant par la démission dramatique de Slater. L'homme aurait pris l'intercom et annoncé au passager qui m'a traité de motherfucker, fuck you. Je fais ce travail depuis 28 ans et j'en ai assez. Il aurait alors activé la glissade de secours de l'avion afin de sortir, pris la navette vers le terminal, enlevant sa cravate et la jetant sous les cieux stupéfaits des spectateurs. Il s'est alors dirigé vers sa maison où la police est venue l'arrêter. Il avait été accusé de mise en danger de la vie d'autrui. Son arrestation a enclenché un mouvement en ligne de gens qui travaillent dans des milieux et ils doivent faire face à des clients impolis qui demandent qu'on le relâche. Attends un peu, là, il s'est fait une ligue de gens qui travaillent dans des domaines où on peut être impoli. Ouais, c'est ça. Aïe, sacrément. En tout cas, let's go le combat, hein? Ouais. Oh, ouais. On jette la cravate. Aïe, aïe. Ah, let's go, un autre. Ah, je vais la garder pour la fin, il m'en reste un qui. Ah, t'en reste juste ça, donc il va pour la fin, ça veut dire qu'on s'en va parler avec Stéphane. Ok, alors, ben... Stéphane, contrôle, man. Oh, wow. Alors, donc, selon la tradition, donc, j'ai décidé de faire une belle sélection de gadgets tout à fait stupides. Le gadget de la semaine, c'est celui-ci. Et je vais essayer de le lire comme un annonceur de publicité stupide aussi, tant qu'à faire. Avez-vous très mal à l'aise à cause d'une fuite gazeuse après avoir mangé de mirobolantes feuilles volantes à la cabane à sucre? Ou après avoir ingurgité et roté une salade aux choux crémeuses dans une chaîne de poulet fort connue. La compagnie Undertech a une solution pour vous. Un produit révolutionnaire nommé Under-Ease Anti-Flatulence Underwear! Pour sauver son couple et protéger le nez contre les salves de sa femme, particulièrement nocives un soir de l'action de grâce, alors qu'ils se trouvaient tous les deux au lit, l'inventeur, l'Américain Buck Wemmer, utilise une bobette hermétique avec un esterlesse élastique en haut et deux élastiques, une pour chacune des jambes. Dans la région stratégique, il a placé un filtre multicouche remplaçable, constitué un peu comme un filtre d'aquarium, c'est-à-dire avec du feutre, du charbon et de la laine en fibre de verre. Les culottes à gaz sont disponibles dans diverses tailles et coûtent 25 $ américains pour le modèle masculin ou féminin et 30 $ pour les fortes tailles unisexes. Les filtres sont vendus à un coût de 12 $. Puis là, la ville de naissance du gars qui a inventé ça, ils ont fait une statue. Ouais, ça c'est sûr. C'est un héros. Vous avez un modèle de luxe, hein, parce que on a remarqué que dans certains modèles, la chaleur sortait pas, ni l'humidité. Donc, un modèle de luxe à 35 $ qui laisse passer ces choses. C'est plus confortable. C'est plus confortable. Et apparemment, il y a 25 000 consommateurs qui sont satisfaits. Oh. Eh oui. Donc ça, c'était le produit vedette de la semaine. Mais il y en a un autre que j'ai beaucoup aimé, qui est un peu dans le même esprit, un peu bas de la ceinture. Vous connaissez sûrement les jouets Jack in the Box, vous savez, là, ça joue une toune, là, puis vous tournez ça, puis pow, il y a une espèce de clown empalé qui sort d'un ressort. Tu sais, il y a un empalé par ressort, puis ouvre la boîte. Ça fait des derniers boss de jeux vidéo, ça, souvent. N'est-ce pas? Alors, il y a une compagnie, et c'est une compagnie qui s'appelle Stupid.com, et ça porte très bien son nom, d'ailleurs, qui a inventé un gag extraordinaire. Alors, vous avez la bolle de toilette, et vous avez un monstre vert qui est, dont les mains sont collées dans le fond du couvercle et qui occupe toute la toilette. Donc, quand quelqu'un ouvre le bol, le monstre fait « Ouah! » Est-ce qu'il fait vraiment « Ouah? » Ben, ça, est-ce qu'il y a un son qui vient avec? Ben, la personne qui est à côté, elle peut faire le « Ouah! » à la place. Hein? Donc, c'est des héros, ça. Ça, c'est des héros. Hein? Alors, la chanson, c'est « Pop Goes the Weasel ». Là, ça pourrait être, je sais pas, « Poop Goes the Monster ». C'est quasiment aussi cool que de mettre un cellophane sur la toilette. C'est pas pire. Ça tout. Aussi, c'est bon. Ouais. Ah oui. Mais ça coûte moins cher, ça. Tu gaspilles du plastique. Tandis que le jouet, tu peux le réutiliser. Ouais, ouais, ça coûte seulement 1$. C'est plus peut-être drôle à chaque fois. Il y a un autre quelque chose qui peut-être est bon pour les manchots, je sais pas. C'est une télécommande pour radio d'automobile. Enfin, ça nous manquait ça quand même. Ouais, hein? J'avoue. C'est la grosseur d'une cassette à peu près, ou des anciens démarreurs automobiles. Puis, cassette? Ben, tu sais, les vieilles cassettes. À peu près. Tu sais, les cassettes qu'on écoutait. Là. Disons, c'est gros comme ça. On écoutait des cassettes. Oui, carte de crédit, De quoi vous parlez? C'est drôle, mon fils a eu exactement la même réaction l'autre jour. Je me suis rendu compte que lui, pour de vrai, il n'avait jamais vu ça de sa vie. Alors, c'est bien parce que tu avais devant la radio, puis là, tu peux télécommander. Ah oui. Ta radio, tu as besoin peut-être de te déplier le bras jusqu'au bout. Hey, c'est BS. Ça? Ben, remarquez, ça peut être bon pour faire enrager les parents. Les ados qui nous écoutent, voler la télécommande de votre père. Puis mettez-vous en arrière du char. Puis pendant toute la voyage entre Montréal et Québec, mettez tout ce que vous aimez. Ouais. C'est comme le dernier 10 de Madou Lamotte. Ben ça, ouais, c'est ça, tu jouais. Ton fils l'aime bien. Ah oui, les jokes, ça achète adolescent. Ouais. Alors, il y a une autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est le Cellmate. Ça, c'est le sans-fil des BS Deluxe. Alors, comment ça fonctionne? C'est que vous avez deux broches en demi-cercle là, que vous mettez sur votre tête avec un velcro, puis il va coller votre portable dessus. Ah, fait que ça remplace le Bluetooth. Ça remplace le Bluetooth, c'est jamais en panne, pas de problème de connexion. Ça, en plus, ça a l'air winner, je vois des photos. Oui, n'est-ce pas? C'est particulièrement impressionnant. Un beau cellulaire. C'est ergonomique. Ah, c'est très ergonomique. Je ne sais pas comment se fait quand ça sonne pour répondre. Il faut atteindre les boutons. Il faut que tu gardes l'oreille en même temps. Je ne sais pas trop. You have to use the force. Ça doit être ça. Mais il y a le modèle ultime parce que quand vous. Et ça, ça coûte 15$ plus 5$ de frais de livraison quand même. Ah, c'est raisonnable. C'est quand même abordable. Mais ça reste dans la définition du gadget. Ça reste dans la définition du gadget. Mais là, le truc cosmique dans les télécommandes, voyez-vous. C'est parce que je sais pas si vous êtes arrivé, par exemple, de perdre la télécommande de votre porte de garage, de votre... Du DVD. Du DVD, du lecteur de VHS. Je sais pas s'il y en a qui savent c'est quoi. VHS. Je fais revivre des cauchemars. Là, je sais pas, votre iPod et tout ça. Mais vous avez une espèce d'affaire qui ressemble à un... Ça s'appelle le Remote Wrangler. Ça ressemble un peu à un passe-montagne. Vous savez, c'est le genre d'affaire, mais il y a pas de dessus, là. Mais vous avez les oreilles dégagées, puis il y a une mentonnière en dessous. C'est une cagoule à lui. C'est une cagoule à télécommande. C'est-à-dire, vous mettez des velcros sur chacune de vos télécommandes et vous mettez ça autour de la tête. Ben là. Fait que tes télécommandes, tout le temps. Tu perds ta cagoule, fait que tu perds toutes tes télécommandes. Ouais. Non, mais c'est parce que. Ça se nourrit de ça, des couches. C'est plus dur de perdre ça. On peut aussi, comme, avoir une table, genre. Ça, c'est la table à télécommande. Ouais, mais tu sais qu'il y a toujours des affaires qui tombent à terre, des télécommandes qui se ramassent sur le fauteuil. La bière renversée. La bière renversée, c'est dangereux. Ça arrive pas sur ta table. Moi, je pense que tu devrais t'acheter une cagoule avec du velcro pour mettre tes... Vous avez raison. Ouais. Ça peut être pratique peut-être pour les pics de guitare aussi, tu t'es pas tout le temps. Mais pour ça, pour vrai, c'est une crise d'idée. Ouais, hein? Sérieusement. Il y a une petite poche après les jeans. Ouais. Non, mais c'est moins loin. Faut que je passe vraiment derrière la guitare. Il y en avait deux de secours. Ah non, sérieux. Le pire, c'est que ça sort en deux versions. La version kaki et la version sportive des années 80. C'était le blanc avec le bandeau bleu, blanc, rouge. Ah, parfait. Et ça, c'est une vingtaine de piastres seulement. Donc, voyez-vous, Oui, c'est voilà. Je ne sais pas ce qu'on en a autant pour un autre ou on en garde. Oui, vas-y, fais un petit dernier. Un petit dernier. Ben, alors, oui. Alors, imaginez-vous que, ben, justement, vous venez ce soir et, au brouhaha et que vous achetez une bière. Alors que vous êtes, justement, je ne sais pas, comme Israël en train de croiser une fille ou, je ne sais pas, vous lancez des affaires sur l'écran. N'avez-vous pas l'obsession que quelqu'un vous vole votre bière? C'est vrai. Tout le temps. Alors, vous pouvez acheter un super produit qui s'appelle le Beer Burglar Alarm. Keep the hands off my beer. Voilà, vous avez une espèce de grosse pastille jaune que vous collez sur votre verre. Et quand la personne s'approche à 12 pouces de votre verre, soit vous avez une grosse alarme ou une voix de mafioso qui crie « Keep up the hands off my beer! » Ah, tu vois que la technologie est utilisée pour le bien. C'est un assez grand rayon. 12 pouces, c'est genre 5 $. 5 $ ouais. À peu près. Hein. Ouais. C'est à peu près. Mais qu'est-ce qui arrive quand c'est toi qui veux prendre ta bière? Ça a fait sonner ça, c'est pas aussi. Écrit. Mais j'ai constaté quelque chose. Je suis allé sur le site d'Amazon en Grande-Bretagne et c'est très populaire parce qu'il en restait seulement 2. Ah, wow. Ça, c'est la preuve que c'est populaire. C'est la preuve que c'est populaire, ça. Il n'y en a pas beaucoup, donc. Étais-tu marqué « Order soon » Ça, c'était pas écrit. Non, ben, je sais que c'est, only chez two left on chez... your order soon, genre. Ça faisait peut-être 5 ans qu'ils avaient. Ouais, c'est ça. Cas. Sinon, il y avait un autre marchand qui en avait à côté pour... Il y en avait 7 aussi, là, mais... Vos, en tout cas, ça, c'est... Je pense que ça vaut important. Donc, achetez ça à UK Amazon, si vous voulez venir au bras la prochaine fois. Oui, ça fait... Tout le monde, si tout le monde avait ça dans le bar, là on aurait la paix. Ouais, c'est ça. Fini les vols de bière. Ouais. Hey, en tout cas, merci beaucoup, Stéphane. Ah, ben, oui, ça va nous amener à la partie de l'émission. On va écouter une autre chanson faite live. Ça fait tout le temps plaisir, ça. Invité. On y pose ses questions avant. Ben, vas-y, mon gars, pose-la. La question, Elisabeth, tu voulais poser une question tantôt. Loulou. Vas-y donc. OK. C'est des questions compromettantes? Non. Non, OK. Avant d'aller à Frima, là, est-ce que ton dessert préféré, c'était le même qu'après? J'ai pas mangé de dessert au Frima. Ça veut dire c'est la même. Ça veut dire c'est le même. Ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Parfait, ça. OK. C'est la pièce qui nous manque. Ouais, non, mais ça a changé beaucoup de choses. Mais non, ça. En fait, je ne sais même pas c'est quoi mon dessert préféré. C'est une question que je ne me suis jamais posée. Aïe, aïe. Je ne me connais pas. Qui suis-je? Tu l'as menotté. Tu n'es vraiment pas prête pour la mise en boîte. Ah non, c'est crispant. C'est crispant la tarte au citron à ma mère, là, est malade. Mais juste celle à ma mère. La tienne n'est pas bonne. Ta mère qui est malade ou c'est la tarte? Okay, ma mère va très bien. Okay, ouais, la tarte aussi est très bonne. Je te suggère la tarte au citron des copains d'abord. Ah ouais? OK. Ma grand-mère aussi a fait une copain. Lulu, oublie pas, faut que tu nous fasses un indicatif après aussi, fait que si tu veux le faire chanter ou de quoi, whatever. Tantôt? Ben, après la toune. OK. OK. Fait que là, j'ajoute. Ouais. C'est quoi la toune? C'est une toune qui s'appelle... Ben, en fait, c'est une toune country. Moi, franchement, là, c'est pas pour rien que je me promène avec un... Avec une sacoche de western que tu mets après ton cheval. D'ailleurs, ça fait partie des choses que j'ai acheté avec mon 1000$. C'est cette belle sacoche-là. Si vous venez au douteux, à la soirée douteux, vous pourrez voir ma belle sacoche tantôt. Je pense que je vais y aller. Ça va attirer du monde. Christ. Mais c'est un peu bizarre d'être premièrement québécois puis de jouer du country. Sérieux, il y a une grosse tradition country ici, mais j'ai tout le temps trouvé ça weird que... du monde dans un pays qui a pas l'air western, mais pas en tout. Ben, il y a Saint-Tite quand même. Il y a Saint-Tite, ouais, mais juste rien qu'une fois par année, tu sais. Ouais. Mais bref, j'ai tout le temps trouvé ça étrange qu'ici, tu sais, on n'a pas tant de chevaux que ça, puis qu'on joue du country, puis qu'on tripe là-dessus. Puis pour vrai, ça fait vraiment avec notre personnalité. Fait que la toune s'appelle « J'ai quand même le droit de te chanter du country J'ai pas de cheval pis j'ai pas de sel. J'ai des bottes mais ils ont pas de semelle. Mon chapeau de cow-boy est en papier mâché. J'ai pas de lourd passé, mais j'ai quand même le droit de te chanter du country. Par chez nous y'a pas de cactus, des prairies y'en a pas plus. Les Indiens ils sont bien chums avec moi, ils ont des chandails d'hockey. J'ai quand même le droit de te chanter du country. À cause que ton gun s'est vidé sur mon cœur, je regarde le soleil se coucher et je pleure. J'ai comme une belle de foin dans la gorge quand je braille. Je suis aussi lonesome qu'un lonesome cowboy. night western, j'ai tout plein de trucs. Je fume de la paille comme Lucky Luke. Je fais des hold-up chez Vincent Tessier avec mon gun à plomb coupé. Mais j'ai quand même le droit de chanter du country. Oh, ah, à cause que ton gun s'est vidé sur mon cœur. Je regarde le soleil se coucher et je pleure. J'ai comme une bille de foin dans la gorge quand je braille. J'suis aussi lansome qu'un lansome, j'suis aussi lansome qu'un lansome, j'suis aussi lansome qu'un lansome cowboy. Invité! Invité! Invité! Invité! Hey, merci bien gros, c'était bon ça. Ouais. Pour la joke en fait, parce que au Frima, en fait, c'est une tune que j'ai composée Christmas sur le fly. Ben, qui était pas composé encore, puis au Frima, j'ai appris le matin que j'avais pas le droit d'avoir des tunes en anglais, puis il y avait une tune en anglais que je voulais faire. Fait que là, j'ai fait « Ah, si, il y a une tune, j'ai quasiment fini d'écrire. » Fait que là, je gossais, puis là, j'essayais d'écrire quelque chose. Puis il y a un autre participant qui s'appelle Vincent Tessier, qui est un gars de Rouen, puis qui est pas full riche, en fait. C'est ça, la joke, c'est que faire des hold-up chez Vincent Tessier, c'est vraiment focal faire ça. Bon entendeur, salut. Ouais. Salut Vincent, je t'aime bien pareil. Ouais, mais il pogne en crise, Karine Noël me l'a tout le temps dit. Il y a tellement de sex appeal, ce gars-là. Il a pas juste l'argent dans la vie. C'est ça, on peut pas y voler. Il y a plein de cheveux. C'est lui qui a des cheveux blonds, ouais, c'est ça? Ouais. Comme ça de long, puis il est un petit peu... Ouais. Il est un peu beau. C'est un petit peu... Un petit peu joli. Ah ben merci ben gros, hey, merci Philippe. À vous aussi. Ah ouais, tu nous replongeras ton MySpace. Show du 21 septembre tantôt. Ah ben oui. MySpace.com/Louis-Philippe. Fais-nous un petit indicatif. Ah ouais, tout de suite là? Ouais, okay. Je m'appelle Louis-Philippe Gingras. J'écouterais bien 70%, mais j'ai pas l'Internet. Ouais, mais faudrait que tu la payes avec ton 1000$. Ouais, je pourrais. Parce que ça, l'indicatif, vous mettrez si ça vous tape. Mais je trouvais ça drôle. Le même clou. Le même clou. Aïe, on est-tu rendu au bout où on va écouter un autre volet de DJ-gisme? Ah, ben, on peut bien. J'ai quelque chose à vous proposer, là. J'aimerais ça qu'on éclaircisse de quoi ensemble. Ah, il y avait une lettre d'Elisabeth aussi tantôt. Oui, c'est vrai. On commence-tu par ça? Oui. Moi, j'ai envie d'une lettre d'Elisabeth, là, ouais. C'est ma dernière de gars, il n'y en aura plus parce que ça n'existe plus. Fait qu'on va être tombé dans les lettres de filles, entre filles. Là, ça, c'est quand même intéressant. C'est un de mes amis. C'est dur à dire, c'est un petit peu soit une dérision, parodie, mise en abîme. On y va. Salut Ellie, tu dois sûrement te demander pourquoi je t'écris. Ben moi aussi, je me demande pourquoi je t'écris. Oups, j'ai oublié de faire mon en-tête. En tout cas, bon. Premièrement, salut. Ah non, j'ai oublié de passer des lignes, parce qu'il fallait passer des lignes en plus de faire une entête. Hey, on avance. Preniez ça au sérieux. Mais non, t'étais dans un collège privé. Oui. Calisse. Mais je te dis tantôt, je l'ai pas frenché, le gars. C'est ça, j'allais à l'école privée. C'est ça. Moi, à mon école, là, on faisait pas d'interligne puis d'entête dans nos lettres. On faisait juste se frencher, on mettait même pas de lettres. Ça, c'est là. Hein? Ouais, mais Israël, il était dans une classe spéciale que quand tu t'améliorais, c'était correct. OK, on va te laisser poursuivre. On va faire une exception pour aujourd'hui, en parlant des lignes. Oui, on est bon, sérieux, je veux te parler de Catherine. Je trouve que Catherine est à tchoum. Excuse-moi, de quoi on parlait? Ah oui, je parlais de Catherine. Ah non, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah, que cela est dommage. Hier, je suis allée chez Kelvin. Kelvin, c'est le surnom de Kevin que Jérémy le donnait. Ah, voilà. Ah, la suite est là. On l'attendait. On parler de Kevin. Parce qu'on avait appris les unités de mesure en sciences physiques, le Kelvin. Le degré Kelvin, ben oui. Ils l'ont saisi comme ça au vol pour appeler Kevin Kelvin. C'est un haut degré d'humour. On a parlé un petit peu de toi, ben beaucoup de toi. On a dit que tu étais. Attends une minute, s'il te plaît. Quoi, maman? Tu veux savoir si j'ai pris mes comprimés pour pas faire pipi au lit? Oui, je les ai pris. Bon, excuse-moi, une chance que t'as pas entendu ça. Une chance. Bon, j'ai complètement oublié de quoi on parlait. Bon, je pense que je me suis calée, assez calée comme ça. En tout cas, merci de t'avoir rendu jusqu'au bout de la lettre. Cette fois, ce n'est pas une joke. Bon, record de bon dans le même texte. Si tu veux faire lire cette lettre à MPC ou CP, ne pas confondre avec Christian Provençal, parce qu'il y avait Catherine Pelletier puis Christian Provençal. Puis là, ici, il parlait de Catherine Pelletier. Dans le code des Némésis. Salut mon ami E, féminin singulier. Tu peux m'écrire si tu veux. Et lui, son PS, c'est « Ne jette pas cette lettre, ça m'a pris tout un crayon pilote. » Fait que tu sais, il est comme. Faisait un petit peu de la. Mais on a eu la suite de Kevin. Moi, je pense que Kevin, il t'avait dans l'œil, c'est sûr. Ah oui. Ah, ouais, ouais. Je pense vraiment pas. Alias Kelvin. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Je pense vraiment pas. C'est quoi, il était gros? Il y avait des boutons. Non, mais j'étais pas. C'est elle qui était grosse. Non, je suis grosse maintenant, mais je l'étais pas au secondaire. Okay. Mais non, j'étais pas dans sa gang, tu sais, ça marchait de même dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, mais lui, t'as je sais pas, vous avez pas des uniformes, là, il est pas supposé avoir de gang. C'était le Capulet, tu étais sa Montaigu, là, ouais, ouais, c'est sûr. Non, non, lui, il voyait au-delà de ça. Il savait qu'il avait la passion. Il me l'a jamais dit. Fait que, ben, il te l'a écrit dans deux lettres, tantôt. Ouais, c'était clair. Puis après ça, il passait au travail de Jérémy tellement tu voulais pas comprendre. Fallait lire entre les interlignes, justement. C'est tellement bon, ben, merci, les gars. J'ai réglé des démons du passé. Ouais. Exorcisé. Ben, voilà. Hey, ça veut dire qu'on là, on s'en va dans l'univers ben, DJ George. Je vais faire jouer une toune d'Elton John parce que, quand même, c'est un gay ouvert qui s'est beaucoup fait remarquer dans le monde de la chanson. Mais s'il n'y a rien de vraiment super poche, fait qu'à la place, j'ai trouvé des reprises de Candle in the Wind. Puis là, j'ai quatre reprises différentes, puis je veux que vous me disiez laquelle qui est la pire. OK? Fait qu'on commence. La meilleure. Je commence tout de suite avec une petite version de Georges Zamfir. Ah, Zamfir, oui. La bête flûte de pan. Oui, ça, de la métacochonnerie à flûte de pan, c'est toujours winner. En plus, c'est symphonique au début. Ben, à date, c'est celle-là la pire. À date, c'est elle, hein? On est tous ben d'accord. Attention, là, quand même. Tarantino a servi de musique de Zamfir dans ses derniers films. C'est vrai, dans Kill Bill. C'était pas bon. Dans Kill Bill. OK, fait que vous retenez ça, là? Oui, celle-là. OK. Ça va bien. Ensuite, on a un dance remix. Ça, j'avoue que c'est dur à battre, là, dance remix. Non, de déjà, j'ai fait pour la deuxième, là. On va la laisser se développer un peu. Je vais l'avancer parce que sinon c'est long à la démarrer. Là. Ouais, comme n'importe quoi. J'ai tellement hâte qu'il y ait de l'écho dans la voix. Là. Oh mon Dieu! Ben moi je l'aime celle-là. J'aimais pas l'autre, mais j'aime celle-là. Ok, on va prendre les votes à la fin. Ah, là, il y a eu de l'écho, là. L'écho d'en bas. Ouais. Et voilà. Je pense qu'elle est pire. Fait que ça, c'est la deuxième. Okay, c'est la deux. Pire. La deuxième pour le moment. OK, on y va. La troisième, je l'ai déjà fait jouer ici, là, mais faut que, pour ceux qui n'étaient pas là, je la repars. C'est la version de Wing. Ça risque d'être la pire. Ouais, c'est pas facile. On dirait qu'il y a le coude sur son... C'est sur un keyboard, t'as comme un modulateur là, pour faire mieux. On dirait qu'il y a le coude pogné dessus. Elle l'a dans la voix aussi. Ouais. C'est crispant. Elle a le pied dessus, je pense. As they should have been sung. Et voilà. Je la trouve pas pire que l'autre d'avant. Ben c'est ça, c'est pas si facile qu'on pense. Classer des tunes. Autre émoi, nous aussi. Ouais. Je pense aux pauvres cordes vocales qui sont en train de souffrir pour nous offrir ça. Il y a du nouveau Wing qui s'en vient. Je reviens avec ça la semaine prochaine. Voilà. Ok, non, next. Ça. Okay. Là, la dernière, j'ai appris, je savais pas, il y a Star Academy 3 en France. Qui en France s'écrit Académie avec un Y? Merci. Donc en France, eux autres, la troisième saison, c'était Elton John qui était le parrain de l'Académie. Fait que pour le remercier de ça, ils ont fait un album de reprise de ses tunes. Fait que là, j'ai la version Star Academy 3 française de cette même chanson. Oh, ça va être sûr. Est-ce que c'est en anglais? Oui, c'est en anglais. Chanté par des Français en anglais. Ça va être déjà pas mal. En style rhythm and blues, là, vous allez voir. Genre, je sais pas, Beyoncé et compagnie. L'émotion. C'est Ming. C'est Ming. Moi, c'est le rap. C'est qui joue? Ming, mur à mur, man. Ok. Non, c'est elle que j'aime le moins, moi. Ah, moi aussi, c'est qui se gratte dessus? On dirait qu'il y a quelqu'un qui se gratte. Oui, on s'attache. C'est ça. OK, fait que toi, Tommy, tu dis que c'est Wing la pire, la Israël, pire. C'est non, celle-là? Ah, ben loin, la pire. La pire ou la... La pire, c'est celle-là, là. Ouais, moi, c'est trop. Bon, ouais, OK. Moi, je trouve que Wing, quand même. Wing, tu trouves que c'est pire? Ouais, honnêtement. Et quelle est la Wing, on s'attache. Puis toi, Étienne? Avec la broche. Moi, personnellement, c'est celle-là que je trouve la c'est plus C'est celle-là la bonne réponse? Ben non, c'est pas la bonne. C'est la bonne réponse! Non, il n'y a pas de bonne réponse. Bon, bon perdant, là. Qui c'est qui a gagné? Moi, j'ai eu la bonne réponse! Il n'y a pas de bonne réponse, c'est en chacun de nous. Là, Forêt, tu nous mets une trame sonore de fond parce que Bruno, il reste une nouvelle super importante. Oui, OK, fait que je vais mettre, je le dédie à Martin Duval qui m'a pitché la suggestion tantôt sur Facebook. C'est Samuel qui chante What in the Butt. Donc, merci aux gays et je suis fier de vous, moi aussi. Puis Marcel, mon oncle, qui veut pas dire qu'il est gay, je suis fier de toi aussi. Okay, est-ce qu'il veut pas le dire parce qu'il l'est pas ou... Non, il veut pas le dire parce qu'il l'est, là. Ah, OK, c'est bon. C'est ça. Alors, on termine dernière nouvelle. Les résidents vivant près de la scène d'un triple homicide dans la ville de Regina, en Saskatchewan, ont reçu un étrange questionnaire par la poste. La police a envoyé un formulaire sur lequel on peut trouver des questions comme... Connaissez-vous la personne qui a tué ces gens, pardon? Si vous meniez l'enquête, comment le feriez-vous? Les répondants doivent aussi expliquer les détails de ce qu'ils faisaient du dimanche 1er août au vendredi 6 août, période pendant laquelle les homicides auraient été commis. Le questionnaire se faufile tranquillement vers des questions plus directes comme « Pourquoi croyez-vous que ces meurtres sont arrivés? » avant de vous crisser une lumière d'en face pour les prochaines questions comme « Avez-vous commis les meurtres? » et « Avez-vous pris part dans la planification de ces meurtres? » pour enfin demander « Pourquoi devrions-nous croire vos réponses? » Les résidents se disent insultés. L'une d'entre eux a affirmé « Je crois que nous sommes injustement interrogés. » Le questionnaire incite les gens à réfléchir avant de répondre et donne des instructions afin de corriger les réponses après qu'elles aient été écrites. Après avoir su les coups de bottin de téléphone, voilà. Non? Elisabeth Popowicz, porte-parole de la police de Regina, a refusé de commenter sur les détails de l'enquête ou sur le questionnaire en question, mais affirme que la police fait tout en son pouvoir afin de trouver les responsables de ces crimes. Ben oui. Voilà. Ouais, on va les questionnaires. Il essaye d'inventer des responsables à part de ça. On a une piste, il y a quelqu'un qui s'est trompé dans une case. Ouais. Hey, merci bien gros, Bruno. Une case. Moi, je pense qu'on arrive tranquillement pas vite. Tu voulais parler un petit peu de Rotten Tomato. Ouais, on peut prendre un peu de temps pour ça. Tu fais ça vite, là. T'as une minute, là. Oh boy. Ben, en deux minutes, aïe aïe. OK. Bon. Tu viens de perdre 10 secondes. Voilà. OK, alors Rotten Tomato est un site qui parle de cinéma. Disons que l'élément que je vais sauter tout ce qu'on trouve dans les autres sites, mais ce que j'aime beaucoup, c'est la cote des tomates. C'est-à-dire que c'est un pourcentage des critiques négatives qu'on peut avoir ou positives. C'est-à-dire qu'un film qui obtient la cote zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a aimé le film. Donc déjà, pour les amateurs de douteux.org, si vous allez à la recherche de films pas très bons, vous avez tout un outil de recherche absolument génial pour justement trouver des mauvais films avec des critères de sélection comme... Je sais pas, moi, vous pouvez dire les critères zéro pour Rotten Tomato ou en bas de 10 et une moyenne de films évaluée à peu près à 2,3 pour chaque film. Et vous pouvez y aller aussi par thème, comédie et tout ça. Vous pouvez y aller aussi par période historique, ce qui est quand même bien. Et aussi par cote qui est faite par rapport au public. C'est-à-dire que vous pouvez chercher un film, une comédie cotée R, ayant eu peut-être 2,3 comme moyenne et 0 comme moyenne des vues de la critique. Et là, c'est sûr que vous allez trouver les meilleurs chefs-d'œuvre. Et là, quand vous tombez sur l'affiche, mais vous avez toutes les statistiques, c'est-à-dire sur le box-office, la date de la sortie, les liens sur les auteurs, les réalisateurs. Vraiment, comment Samuel L. Jackson a été payé. Ça, non, mais vous avez quand même des fiches aussi pour les personnes avec le film qui a été le plus mal coté de ces acteurs-là et le mieux coté. Non, donc, ben... c'est... Enfin, je pense que tu voulais peut-être rapper sur le film de ce soir, Tommy. Ben, oui, on va en reparler encore un petit peu. Je vais te laisser un peu de temps, puis quitte à revenir sur Rotten Tomato, j'ai fait une recherche et faut que je parle de ce film-là. On va faire ça une autre fois. Israël Trudel-Denis, merci beaucoup. C'est un plaisir à chaque fois. Elisabeth, j'espère que tu vas prendre l'habitude de nous ramener des lettres. Ça, c'est très plaisant, ça. Cool. Bonne affaire, Bruno. Ben, c'est ça, prends-moi pour acquis. There's no mountain high enough. Louis-Philippe, c'est vraiment sympathique. Merci. Merci à vous. C'est le 21 septembre. 21 septembre au Cheval Blanc. Tu as dit 105 à 7. 5 à 7, ouais. Okay. Venez, ça va être malade mental. Sinon, le Cheval Blanc, ça sonne en maudit. C'est vraiment une belle place. MySpace Louis-Philippe Girard, c'est ça? Gingras. Louis-Philippe Gingras. Mon gars. Bon, ben voilà, sur MySpace, on l'a. Sinon, Stéphane, merci bien gros. Ah, ça me fait plaisir. Puis Étienne. Content d'être de retour. Ben oui, je suis content que tes vacances soient finies. Ouais, moi aussi. On était très gai de te voir ce soir. Fait que là, eux autres sont en train de se lever, puis ils me laissent tout seul avec le petit micro, puis je vous raconte la fin de mon texte avant de mettre le film pour le bout qui reste. Mais bon, c'est presque bon, le film de ce soir. Les gens ont voté pour un classique qui vieillit bizarrement à la place de Jason Statham dans Transporteur 47, qu'il faut qu'il aille sauver sa fille et qu'il est en prison pour une faute qu'il n'a pas commise. Donc, l'expérience avant la fougue de la jeunesse, un plein de cul généralisé de Jason Statham, voilà autant de bonnes raisons qui fait que je vous parle de Death Race et non de Death Race. Death Race est, comme son nom l'indique, une course de la mort. 5 voitures sont à New York sur la côte Est et doivent traverser le continent le plus vite possible pour atteindre New Los Angeles. Ce faisant, ils doivent survivre aux attaques des autres coureurs et tenter de tuer le plus de gens possible pour ramasser des points. Le cadavre en costume va nous expliquer à la 14e minute ce que je veux dire par là. Sinon, dans le contexte du film, qui est unique, la mort est risible dans l'Amérique de Death Race. Même le poste de président américain reçoit le traitement de roi des gobelins. Si tu le tues, tu prends sa place. Il y a les rebelles qui déclarent la guerre au président et qui se servent de la course pour tuer Martin Cove au début du film. Le prêtre qui va subir la foudre de Frankenstein. Puis, admettons que la course, c'est l'événement le plus regardé et diffusé à la télévision d'Amérique. Ils sont 5 chars. C'est pas comme si ça rentrait large, 5 chars, pour toutes les États-Unis. Faut vraiment le vouloir vous sortir se faire frapper pendant que la course est en train de passer. Donc, l'ambiance est unique dans Death Race. C'est un classique en son genre. Ça date de 75. J'irais humblement à plus ou moins 5. Peut-être que c'est une réelle tentative de satire de la société de luxure et de consommation. Puis après, tu réalises que c'est David Carradine, le héros. T'arrêtes à moins 5. On va écouter ici. Là, c'est la fin de la présentation des coursants méchants. Ils sont bien méchants. Vous le savez, il n'y en a qu'un qui fasse peur, celui qui fait rugir ses 8 cylindres. Et j'ai nommé le fantastique, l'incroyable pilote, Mitraillette Joe Viterbo. Le voici, Mitraillette Joe. Des milliers l'adorent, des millions le haïssent. Seul coureur déjà vainqueur, à part Frankenstein. Le plus beau palmarès, à l'exception de Frankenstein. Et il est reçu comme il le mérite. Il n'a pas l'air très content, mais allez donc freiner les admirateurs de Frankenstein. Le sale con pour qui il me prenne. Allez, fais-le comprendre, Joe. Vous voulez Frankenstein? Vous le donnerez, Frankenstein. La légende vivante, Frankenstein, l'indestructible, arrive! Seul survivant du titanesque carambolage de 1900.